الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الإسلام بعد أمره كشف في ذهن الرسول صلى الله عليه وسلم qui lui-même qualifie de réponse de dire « Mal ma'koul ou anha bi'a'lana minestari » Celui qui est questionné n'est pas pour quiconque celui qui répose question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à sa phrase « C'est quand il voulait la résidence qu'il vit vers et il dit « Ya Muhammad matasara » « Ô Muhammad, quand je vous priame » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est connu. Il a dit, mais je vais poser question, ni moi ni toi ne vous connaissez pas. C'est là que Jibril alayhi wa sallam dit, fa'akbirni an amaratiha. C'est ma consulante. Ban si, ban action, ban événement, quand vous prenez place sur la terre, nous connaissons que ça le mona qui a terminé. Chers frères, alhamdulillah, nous vivons. Hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Hudayf ibn Yaman radiallahu anhu que tu fils fils depuis sa jour qu'il est fils monte au Mimbar jusqu'à jour Qiyama tout bon action, bon événement capable de surgir qui pour prendre place qu'il y soit dans tous les autres ou bien dans les autres bon Khulafa Rashidi jusqu'à Jaini Sahaba qui sa dunya là ou bien plus encore dans l'époque avant arrive un grand fille, un grand événement jusqu'à qui Jokiyama lui-même y arrive. Pour aujourd'hui, Inch'Allah, chers frères et sœurs, nous vous montrons comme un fille, comme on le fait prendre dans le passé, un fille qui est vivant, aujourd'hui nous fait vivre lui. Aujourd'hui nous fait vivre lui. Comme on le fait dire, comme on le fait dire, un fille, il ne faudrait pas nous penser, mais si tu as une fille, là, c'est le vendredi, là, c'est Yama. Non. Il ne faudrait pas nous penser comme ça. Et le côté qui paraît, il ne faudrait pas une personne ni penser, mais même si là, là, mais qu'est-ce que Yama n'a pas les temps. Vous voulez que Yama n'a pas les temps? Hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, ça fait nous venir avec lui prochainement, Inch'Allah, c'est quand Isa les salam pour descendre, jusqu'à qu'il y ait pour une laps de temps de 40 ans. Quand Isa les salam descend jusqu'à l'imo, pour un laps de temps de 40 ans. Ou imaginons, je veux dire qu'aujourd'hui, on a 40 ans, je veux dire qu'on voit qu'à l'opostille. Moi, pour que y a mal à moi. C'est vrai. Mais seulement, quand nous réfléchissons, question qui s'ajoute là, qui pose à Isha Tarazialman ou Anha, quand Isha Tarazialman ou Anha, il n'a pas son Michel qui m'y était autour. Il dit, il y a Rasulallah. Un juif fait bien nous, vous me faites bien moi comme ça qui me pouvait une question, nous pouvait une question, nous pouvait tester la Kabbal. Il y a Rasulallah, est-ce qu'il vraiment une attesse de la Kabbal? Une attesse de la possession? Rasulallah, voilà, il voit ça, il dit, oui, le Hajj, il n'a pas une question pour nous donner la Kabbal. Il n'a pas une question. Mais ça qui est avec nous, je préfère, c'est qu'il le joue. L'air, moment, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sa phrase-là, fina en namaz, fina en salat qui lui fait, jusqu'à l'imou, avant de faire salam, lui dit Allahumma inni a'oudhu bika min kulli sharrin, qui fait cette chose. Fina en namaz qui lui fait apporter sa Bible. Qui dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui tient protection contre sa fitna, sa tentation, sa tête qui vous finit, il y a pas d'âge. Ya Rasulallah, malgré que tu te connais quand tu es loin avec toi, qui ne te pas capable mal répondre à cette trois questions-là, il y a pas besoin de protection, oui ou non? Jacob est cette position. C'est tout? Non. Il continue à la fin de sa droite, qui amène quatre protections là. À la fin, il dit Wafit Nakil Matri Hitajal. Oh Allah, protège-moi contre Fitna Dajjal. Si à Rasulallah, tu veux que l'on l'appelle Dajjal, l'on l'appelle. Il a taché. Mais c'est ma police aussi, si tu en fous là, il va vous venir. Mais c'est que je fais cette protection avec lui. Qui vient te bénir cette protection avec lui? Parce qu'il te suit, si tu es là, il va vous venir. C'est tout? Non! Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam commence à expliquer sur un compagnon concernant Dajjal, parmi la première question qu'il dit à ses frères et sœurs, il dit c'est la haine prophète qui dit non dans la vie là, et c'est ce qu'il n'a rien sur peur contre la vie là. C'est la haine prophète qui dit nous prenons des bruits, nous, alayhi wa sallam, des millions d'années nous fait causer là. Nous, alayhi salam, il vient sur peur, demande à la protection contre Fitna Dajjal. C'est pas l'époque là. Dajjal revient. Comme il a mis, tant qu'il y a un jeu, mais les hommes, malgré ça, il enseigne un jeu. Et si un prophète lui enseigne sur peur, un petit chose qui n'aurait jamais pour prophète, c'est qu'il accepte ça. Et si un prophète, nous sommes capables là d'apprendre de nos enfants, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et lui, fait les gens passer. C'est le bâtiment, là. Ça, nous, quand même, il y a un travail comme ça. Mais nous entendons un prophète dire, il y a ce peuple, cherche protection contre un petit chose qui, au fait, pas faire de l'année, pas pour nous autres. Ou bien faudrait vraiment, même si ta distance là avec toi, cherche protection. Cherche protection. Si nous, avec ça là, il y a ce peuple, ça, aujourd'hui, que te demande-moi. Que te demande-moi. Chers frères et sœurs, ça c'est bon. Si vous n'en comprenez pas, qu'on peut dire moi, qu'il y a un mot, qu'on peut dire toi, c'est pas. Je dis cette bande de vie, ça fait du micro régalo. Ou bien non, une femme qui prend des minutes à l'Essalam, des salles jusqu'à qu'il y a un mot pendant 40 ans, vous dites, on prend des temps pour qu'il y a un mot. Non. Attention, on. Ça va nous dire ça. Là, c'est moi qui ai dit mon divin. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave, là. Oh, donc, là, c'est dans moi. Vous qui avez dit mon divin. Cher frère, c'est comme un signe qui ressort sur le mort pour aller qui voit ça, là, qui vit bien nous connaît. Pour nous finir, nous fait vivre à Zorgi. C'est quand nous quittons sa prophète, là, lui, c'est encore dans ma cas. Pour nous, ce matin, il prend comme une révélation. Il prend comme une révélation. Quand nous disons qu'il faut encore faire une révélation, quand nous disons qu'il faut encore faire une révélation, il faut extra bien avec Jésus. C'est tout. Quand on dit Mohammed, ok, c'est une musique. Comment nous connaît ça? Nous connaît basant notre histoire qui est arrivée par Hajar al-Aswad. Quand il dit Hajar al-Aswad, je ne réfère qu'à Abba, quand il arrive le moment pour remettre Hajar al-Aswad de ce plat, comme il dit à Gaudi, tout va être chef de tribu de la guerre pour mettre ça là-dedans. Tout est ressalonné là. Elle n'a donc dit, premier qui passe dans la côte là, ça qui ne s'est pas. Premier qui passe dans la côte là, chers frères, nous trouvons l'hôpital là, à l'île. Nous venons trouver, nous venons témoigner dans les temps qui nous fait essayer visionner. Mais seulement, réaction là, c'est important. C'est que moi, ben, là, pour. Parce que ça on en va pour aller pour temps de parler de plus d'un soulagement. Ah, en matière, de plus d'un soulagement. Il n'est pas encore des autres qui vous firent là. Il n'est pas encore des autres qui vous firent. Mais seulement dix se présent, ban qui se fait la guerre. De plus d'un tranquille. C'est accepté. C'est une chose énorme. Qui a été personne, mais qui vient était qui existe comment il paraît devant la porte. Chacun parmi Banna incendie, il ne vient pas pour aucun investisseur parmi nous. Si j'ai dit rentrer là, c'est pour que je dise la cause. Qu'est-ce qu'on a protesté? Personne n'a protesté. Personne n'a prétendu pour retirer pour un moment un lien d'investisseur pour passer là. Parce qu'il est rentré. Non. Pourtant, il y a sa banquette de prévu là et il n'a pas prévu tout là. Il n'a pas prévu tout. Pas de marché. Mais seulement, je suis d'accord. Qui fait? Qu'est-ce que je suis d'accord? Pareil comme ça même quand vous êtes à l'exemple de Sourat 20 et Sourat Shoara, ne vous trouve qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui cause de mon prophète qui est une vie avant. Parmi mon premier mot qui lui dit, c'est mon prophète, c'est-à-dire je le fais, rendez-vous nous, alayhi salam. Viens avec Houd, alayhi salam. Viens avec Shuaïb. Viens avec Lout. Viens avec Ibrahim, alayhi salam. Tout ça, mon prophète, là, prenez une petite chose qui veut dire que mon père, je dirais, inni lakum rasoul, amin. Inni lakum. Certainement pour eux, moi, rasoul, amin, mon messager de confiance à l'amin. Tout prophète, il dit. Tout prophète, il vient dire ça. Nous vous trouvons dans même sourat. À la fin, Allah subhanahu wa ta'ala cause concernant Jibril alayhi salam, comme il dit, Nazala bihi ruhul amin. Al-ruh, c'est Jibril alayhi salam. Nazala bihi l'état avec Al-Aqsana, ruhul amin. Mais si un ruh, un homme, amin, de confiance. Un homme de confiance. Dans même sourat, ça se fait. Après avoir occupé fait nous comme tout ça, mon prophète là, qui n'a sa caractéristique là dans eux, sa caractéristique là dans eux, Allah subhanahu wa ta'ala montre qu'il s'y brille dans les salam, il est aussi pareil là. Il est aussi pareil. Pour qui, quand nous sommes une personne dans ma cas, qui vient grandir parmi mon courage, quand nous veut dire mon courage, je veux dire mon qui vient dur, de sous la ville de ma cas, il tombe d'accord, il accueille pour Al-Ami. Et ça, c'est tout ce qu'il a dit pour nous. La vie marque. Lié ce nom Mohammed, je suis connu pour Al-Ami. Et c'est lui, je ne sais pas le moment. Un enfant au félin. Au félin. Il n'a pas pas. Son maman mort. Qui vient? Qui vient de dire ça plus tard? Parce qu'il peut tout nous prouver qu'il y a une société quand un enfant et une maman, un papa, nous prenons attendant quand il fait un mauvais qui nous vient. Quand ce bâton, je dis, parce qu'il n'a pas papa. Quand ce bâton, je dis, parce qu'il n'a pas maman. Mais ils vont dire que le dada, ils vont dire que le chacla. Ils sont d'accord, ça consomme. Ça consomme que vous direz à ce moment-là, dans ce là. Ça, nous nous mettons moins ça. Mais comment ça, vous mettez la conclusion? Donc, il n'est pas cool. Il va dormir plus tard. Mais tellement sur le résultat, c'est quoi lui? Son résultat, c'est qu'il arrive de Marca. Où, donc, on a corrigé, il le mis le site à l'ami. Il le cherche. À qui niveau est-il? À qui niveau? Lorsque son mentor va aller voir cela demain, il était un genre. C'est pas connu. C'est seulement pas connu. Il avait le même genre. Chaque côté, droit là, je vous parle. Ensuite, après quoi, c'est le bon. Ensuite, Ali, c'est le bon. Ensuite, Guy, qui voit tant de dans le poisson. Ensuite, après quoi, c'est le bon, ce garçon. Ensuite, après quoi, c'est le bon, ce petit, à ce moment, le bon. Cher président, à venir sur le bon. À vous, c'est le bon. Et c'est une petite marquage pour aller là. Pour nous, on dit à Madina. Madina vient loin à 400 mètres de l'eau, il n'avait pas un mot d'honneur. Avant d'y aller, il y a fait le sous-titrage. Allez, on le voit vraiment. Pour aller, du même où y aller, dans la cage. Il a fait une chose pour dire, fait une chose pour dire, fait une chose pour dire. Ça va être là, dans le ferrodie. Dans le ferrodie, comme on a déjà répondu. L'Ivinkini est un système remplacé qui, comme vous voyez, la petite chose à part, pas pour moi ça. Mais dire maintenant qu'on est même tout péroli pour couturier. Mais seulement qui m'ont dit mon petite chose de penser qu'il était comme ça à moi. À côté de ceci, mais pas pour prendre cette chose. Il n'y a pas de monde dans le monde. Ça, c'est un peu plus tard. Il y a des gens qui ne sont pas dans le monde. Il y a des gens qui ne sont pas dans le monde. Il y a des gens qui ne sont pas dans le monde. Ça va maintenant, c'est que ça profite là. entend un dimoun qui me scie et qui me donne quelque chose, il va coucher dans lui-même. Jusqu'à ce qu'arrive le jour que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Hadith rapporté par Abu Hurayra radiallahu anhu, qui coûte à sa vie Bukhari, il a de dire à qu'il amana, quand il se fera, quand il trouve à l'amana, les gens de lui, il n'a ni mon souffert, ou souffert en confiance. C'est une chose de la vie. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, Quand il peut dire, quand il y a du monde confiance à l'entour, cher frère, à qui il peut référer? À l'encarpère, à la non-musulman, ou bien il peut poser le matériel de ma mère? Banna Djali, quelle part il doit rassurer à l'air de ce qu'on va voir? Mais comment? Comment on va arriver qu'il faut arriver à l'échoque par une personne qui peut faire confiance? Il dit, il a, nous dire, il a, aussi, il a, amour, il a, il a, il a, Chers frères, il n'y a pas une bonne attendance pour le fait de l'histoire. Non! Comment on dit bien? Le fait qu'il nous a pris dans ma vie, nous a pris dans la case de la loi, d'être à la tête de bonne société, nous sommes là. Donc, nous, ça nous prend des points de ça. On retrouve Baïda avant l'imot, quand il mettait là. C'est le sens. Ce garçon fait un amas, ça fait un amas. Ce garçon qu'on a loi Zakat, ça qu'on a loi Zakat. Ce garçon qu'on ne pas qu'on a, tu rentres dans la société au monde. Ok? Oui. Vous avez cause de vous, hein? Vous avez cause de la chose digne. Les hommes nous guettent, parti à la tête, c'est amin, parti pied de digne, ou bien par action qui est attachée avec digne. Et si vraiment ce qui mérite pour être là, ou bien la cause de ton intérêt, de ton intérêt, intérêt sera mis à la cause de l'univers. Comment vous connaissez ça? J'ai l'exemple en vidéo. Prenez-le nous-mêmes. Prenez-le nous-mêmes. Imaginez-moi, cher frère, car vous êtes posé là, car vous êtes posé, demain, votre principal est une école. Votre principal est une école. Vos propres frères, c'est vous n'êtes pas mal. C'est un intérêt qui a été fait de tout ça. Et si vous votez ça, depuis de sa situation là, essayez de prendre sa situation là. Demain, moi, il a porté un petit chose. Vous m'avez dit, vous m'avez dit. Est-ce qu'il vraiment me pouvait dire de l'avantage? Ou même, ou bien la chose, je me connais. Que t'en veux-tu? Que t'en veux-tu? Et que t'en veux-tu? Quand on nous trouve sur une place et occupe une poste, pas à du monde qui nous dit la campagne. Oui, alhamdulillah, il est capable d'un du monde, mashallah, d'ordine. Il est capable d'avoir fait ce courant. Il est capable d'imam. Chef de sœur, il est bien administraté. Ou vous mettez à la tête président votre poulet. Je ne pas que toutes ces compétences, le Coran, le Tajwid, le Dine, pas jamais, je ne pas tout ça avec lui. Mais seulement pour administrer, c'est une autre chose. C'est de là qu'ils vont comprendre, le sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait un hijra, il prend Abu Bakr, radiallahu anhu. Quand le sallallahu alayhi wa sallam fait avoy, depuis dans ma carte, fait avoy du monde, pour faire qu'on a l'ouadine de Madina, il y avait Mousrab bin Umair radiallahu anhu. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de Madina, il y avait un dimoun pour faire d'Awa dans Yémen, il y avait Mouad bin Jabal radiallahu anhu. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait préparer un l'ami, de présent Abu Bakr et Umar radiallahu anhu, il met un garçon 16 ans à la tête des deux. Qui veut dire ça? Il va regarder Abu Bakr, ça. Je vais la tête de Dieu. Le cas de ça, c'est trop facile, non? C'est trop facile dans la guerre de mettre Abu Bakr à la tête de Dieu. Mais c'est trop facile dans la situation pour j'envoie Yémen pour Abu Bakr. Non. Est-ce qu'il nous est dans un petit hadith qui est nous connu? Parce que je veux dire, Abu Bakr, le roi, quand il s'imagina, il a collecté les accords en Lyon. Avec des poulies à dire, c'est ça même. Avec des poulies à dire, c'est ça même. Qui fait dans ma dîna, quand je tiens la question, je retourne vers Ibn Rabah pour dire au revoir. Qu'est-ce que vous dites, Ibn Rabah? Vous devez avoir pour dire au revoir comme ça. Que je devais avoir pour une question de l'île. Parce qu'il est connu dans ma dîna, parce qu'à l'entour, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait qu'il a une qualité dans ce. Parmi l'ensemble. Parmi l'ensemble. Même si capable à vous voir, radiallahu anhu, mais seulement si il a telle qualité dans lui, ok. Malgré tout, il a telle qualité là dans lui. Ça, c'est une qualité de ce que vous voyez, radiallahu anhu. Cher frère, à qui point ta prophète-là, il donne un peu de mérité. Se pose. C'est bizarre. Après trois jours, quand il sortit, le diable sort, lui avec Abu Bakr, il dit où Abu Bakr fait lui. Parce qu'il va même à tout le monde. Il dit à Rasulallah, il dit que c'est une colline. J'ai dit à colline, une personne sortit avec trois amours. Regarde ce que nous avons fait là, c'est un tafé. Ça dit qu'on a fait un tafé. Un bon musulman. Lui, il s'agit d'Allah, mais il est créatif tout le monde sur la vie. Il va être un rôle de musulman qui est accompagné de l'islam. Il est un rôle de musulman. Mais seulement, est-ce qu'il est un musulman-là, à la tête, il y a une qualité-là dans lui, il faut à la hauteur pour réussir avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de Madina. Est-ce qu'il y a une qualité-là dans lui? Si tu es là, nous, on ne peut pas être musulman de l'islam. Mais vous pouvez dire qu'il y a un musulman de l'islam. Là, nous, c'est un musulman pour tout là. Mais seulement, ça peut être un musulman. Si Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour y faire l'hijra sur l'île de l'Ixana, un non-musulman. Ou donc, on nous dit, ça bien dit, ta même prophète, avant qu'il y faire l'hijra, il y fait l'hijra. Avant qu'il y faire l'hijra, il y faire l'hijra. Qui est l'hijra? Qui est l'hijra? Qui est l'hijra? Mais pour y faire l'hijra, il y a une fois ma carnavale. Mais comment les filles dans l'autre sens qu'il y a ici? Les règles qui vous disent de Palestine, les règles de Massage, elles étaient l'unique. Mais vous, il y a un Massage, Allah, quand il y a un bourreau, il monte au bourreau, il y a un bourreau, il y a un bourreau. Oh, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est bourreau, c'est fini, il monte au bourreau, il y a un bourreau. Non! Allah, subhanahu wa ta'ala, fait l'hijra, il y a après, parce qu'il faut un bal, Et pour lui, ma direction, c'est quoi? Quand on vous trouve, elle ne sait plus qui va m'inviter, qui dévoile, qui donne sa cause là, mais attends, il y a même rien. Ça vaut peut-être plus ça, oui, mais je suis même si un café, si à la hauteur, vous faites un travail, je vais le dire. Je vais dire, ça va voir aux gens qui vont, elles n'ont plus du tout comme lui. Donc, je vais dire, pour nous dire, être juste envers nous-mêmes, de même à la tête, lier mon garçon, mon neveu, lier mon frère, mais s'il était dans sa qualité là dans lui, c'est de travailler avec toi. C'est seulement ce que vous vous connaissez en tant que votre frère, votre papa, votre garçon, vous connaissez bien dans sa qualité là dans toi. C'est ça nous plaît. Parfois ça reste comme ça. C'est un chien qui est vraiment dans sa qualité là, en tant que travail là. Vous nous délivrez aux aquanas, chers frères et sœurs, juste pour nous comprendre qu'il faut faire. Attention de même au M de ma raison qui vont mettre un week-end à la tête, la cause pour une identité, c'est pour vos camarades depuis l'enfance, mon avoué d'abord avec l'Ukraine. sans compter à l'encours, et n'a pas de mérité, et n'a pas de sa qualité là dans eux, de ce capable de faire travail là. C'est maintenant Romain Rabbi Allah Mohan. Romain Rabbi Allah Mohan, je voulais dire, je suis. Quand je viens d'une parité à Tiambo, mais tellement il est malade, on a dit bon, c'est comme ça, en fait, c'est caché du coup. Comme un âne de l'île au Romain, des humains de mots. Ça, je me mets à la tête. Dans la même évolution, au Romain, des deux gosses, après le bâtiment, on va le voir. C'est quoi ce que vous voulez? Dans la case, nous vivons que sous la mondiale. Que sous la mondiale, que Allah subhanahu wa ta'ala se cause avec nous, et moi, un aïeul connaissant. Il vit des ressources sur votre corps, ou est-ce que y a tout à l'heure, il y a une amie, il faut qu'il y ait. Quand je dis qu'il y a un aïeul sur votre corps, ou est-ce que vous Allah subhanahu wa ta'ala, a rose à l'aïeul. Aïeul a resté, mais la loi là, on est dit. Ça, je suis en bas. Il a été décalé, il est mort, il n'y avait pas de deux. Qu'est-ce qu'il était à une femme? Ça même dit qu'on a été accusé pour lui dans les autres Sahaba, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est dans le compagnon du Jésus et d'un pied pareil pour moi, mon croyant. C'est tellement l'historique pour moi, mon croyant. Qui est ça? Je ne sais pas connu. Il paraît comme un moukmin. Ça a dit ça, je vais dire, à côté de l'air partout. L'air différent du voyage. Vous montrez ça, ça a dit ça, ça va être un petit présent. Comment je trouve qu'il prend ça le jeu pour apprendre ça à dire ça? Je suis une responsabilité quand je t'en veux. Qu'est-ce que ça répond? Et là, ça se trouve, ça va voir les voitures de Quand il y a même dit grand compte, je ne suis pas capable de moi avec mon dominant. Si tu vas dire ça, il n'y a ni bonne valeur. La cause d'un plus grand pilier, une réserve, est tranquille. Tu as préféré qu'il connaisse une réponse qui va nous les autres, ça ne va pas. Quand il y a effectivement un argument dans le monde, pour moi, lorsque l'on a intégré ce papa, et dans ce moment, c'était par deux ans, numéro, ma voiture. Bien, mon tour. Tu sais, tu connais ma réponse. C'est quoi? Il débordait par les yeux. Ça fait un gros là. Non? Dans mon niveau là. Déplace, cher professeur, pour moi, je comprends, et rapidement, je dirais, on va le voir, c'est qui ça n'a pas de chemin. Donc, dès l'occasion, il débordait par les yeux. Qu'est-ce que je m'en suis conservé? Ça fait un seul là, proposition, recommandation, tasiya, recommandé, dire, oh Omar, de faire ce garçon une après histoire. Donc de là, on peut comprendre qu'on peut dire un rassemblement, mais Omar. Pas que c'est ça la cause, Omar, ce garçon, ça, il est invité dans le monde. Comme il est dit, ça, des événements-là. Sans qu'on bande les autres événements, les autres connaissances, etc. Imaginons, après, il peut vivre avec un djihoud comme ça. Qui a fait plus de vous pousser pour les villes? À la paix. Mais son papa dit, il est banal de Dieu. Elle dit, c'est l'Ibn Khattab, Jouriyama, il dit pour répondre à ça au matin. Un papa? Il y a un papa qui sont sur l'enfant qui ont été, comment est-ce qu'ils sont parmi nous? Parce que moi, il dit, on va voir ce qu'on a, une capacité pour faire ça. Par contre, il y a quelque chose qui était là. Jésus dit les œufs, elle sait qu'il y a un homme. Elle sait qu'il y a un rapport. Ce qui est un nom. Elle sait qu'il y a un rapport. Il est tout à fait dans l'Allah pour un petit peu de l'Allah. Pas les mots grosses. Il faut ce garçon. Il faut ce garçon. Moi, c'est un garçon qui a 18 ans. Qui est-ce que vous avez dit d'avoir vu ce garçon? C'est pas le cas. Nous vous fions en Asie, non? Mais on va faire des choses, c'est pour ça. Oh, ça, c'est un majeur, Allah connaît que ça devient un marqueur, c'est un niveau 8. C'est la marque mal. Mais j'ai le monde à la paix. Mais les gens qui sont sur les autres. C'est ça que l'on trouve sur l'enfant, c'est la vie de la société. Pour lui, maintenant, si il vient avec nous pour avoir l'objet, je vais le terminer. Je vais le terminer, on parce que moi, déjà, une vie, c'est un amour de l'État comme il était. C'est pas un amour qui ne passe pas la question, parce que les gens ont touché des rappels. Ils n'ont même pas de rappels, c'est bon. Donc, si c'est un petit complet, pas ça pour un amour nouveau, c'est chaud. Ça, même pas tant que ça. Mais c'est moi, ça rappelle la même. C'est pour ça que quand, dans ce rabat, tu fais passer, je dis avec ma mesure, après la mort du monde, et ça va voir, ou avec le seul, t'as râle au Nazar, l'Iman, fini. Nous prenons pour l'Iman. Il dit, je viens, l'Iman, à travers quoi? À travers la rappel, c'est ça, c'est ça. Et comment ça va nous pousser le mouvement, là? Mais seulement, fini, nous poser entre nous, nous remontons l'Iman. Donc, moi, ça, je viens d'en parler, c'est un mot, je vous fais des scènes, des sons, il y a un nouveau, là. Il y a un nouveau. Pas d'avoir mis en ligne nouveau. Mais c'est moi, c'est l'Iman, comme il va nous rappeler, chers frères, c'est que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de son niveau par le Sahih Muslim, rapporté par Anas ibn Malik, le roi de l'Allah, en un dire, il a choisi Gara. Comme il va nous dire, c'est Gara, un jour par Allah, ou il y a ce beau dans le chien. La connaissance enlevée, l'ignorance prend place. Après, il va nous dire, comme il va nous dire, c'est la connaissance enlevée. Qui prend ce plan? L'ignorance. Donc, qu'est-ce que ça traduit ça? Le fait qu'il s'éteint une parole des Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui connaissance nous pensez les écoles à vous? Qui connaissance? Est-ce qu'il est des causes de bonne connaissance académique? Vous comprenez ça, alhamdulillah, qui nous retient aujourd'hui, qui l'histoire? Musulmans, bénémoins, bien avancé là-dedans. Sur la technologie, la science, tout bien avancé, mais seulement dire aux gens sur l'emploi, par exemple, quand il fait dire à qui il est référé, je connais bien. Connaissance vive, oui, mais seulement à qui il faut assurer. Je ne sais pas mon imam. Juste pour moi, comprendre que mon idée a grandi. Juste pour moi, comprendre que mon idée a grandi. Vous faites bien la main. Vous faites bien la main, vous faites une chose. Pas d'autre, seulement des hommes. Par exemple, chez Magri, je suis à ça, à Abdullah, mon fils, mon soir là. Mais seulement quand on a utilisé vos causes avec moi-même, mon diamant comme ça, vous faites faire une chose. Si pas une chose, casse la main. Vous faites mon nom. Si pas une chose, casse mon âme. Par exemple, c'est pas une surprise, mais une interprétation. C'est ce qui m'a dit sur Ami Mounama. Chers frères, est-ce qu'il m'a connu l'imam, lorsqu'il fait sunna, si vous venez, vous faites 5 amas et l'imam. Plus beaucoup d'amas qu'on fait par sunna, c'est sans imam. Et si vous connaissez, quand vous êtes fait la tout le monde est mort, quand vous êtes fait. Chomier du monde, en cours de croix, quand il frappe un ayat qui lui fait la tâche. Comme il m'a dit, je vais vous dire que je vais vous dire. Comme il fait hier, il y a un namaz à haute voix, il m'a dit, avant de faire le temps, il m'a dit, oh, moi, je vais vous dire, c'est lui qui m'a dit, je vais vous dire, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, bien, à cause des petits dans la question, qu'est-ce qui est ajouté dans un amas qui va se mériter, est-ce que cela va pas se mériter? Qu'est-ce qui ajoute en plus dans un amas, sans que tu aies le droit à tout ça, ça n'a pas été tombé, il va être accepté. Si vous pouvez vous dire, vous pouvez vous dire, Cet esprit est incroyable. Mashallah, bien, bon, Hamza, continuez. Qui contrôle la carte? Qui contrôle la main? C'est la main de qui sait contrôler la main? Je vais faire ça qui contrôle. Oui, des choses, je vais dire que vous avez dit, vous avez dit, 5 petits islams. 4 en bas là, je suis dit, la condition. Et si mon visage dans une petite phrase qui appelle la loi, il y a telle condition que tout le monde. Pas pressé pour vous dire, vous pouvez changer le second. Nous régions. Et dans 5 piliers d'islam, et dans 4 valeurs de cause des choses de condition, à prendre de l'idée de la condition de la main, il même vous dire où. Voici, tribula, l'air, l'air, l'écho, plat. Bizarre pro, et bizarre pouvait prendre privé. Face à la fête aussi. Ça, c'est ma main. Mais avant de me la manger, je vais vous dire la règle d'abord. Mais il la condition. Mais il condition. Mais il la règle d'abord, c'est sûr. Mais quand je me dis à vous, quand vous voyez avec vous que vous non, vous vous promettez, vous vous promettez, vous vous promettez, vous vous donc, les gémons connaissants, c'est être enlevé. Et si c'est ban, s'il me trouve, je ne suis pas devant une place haram, dans ma vestige, dans ce là ou bien moi, je vais vous répondre trop beaucoup la langue. Si ban connaissant, de base, si vous vous inconnez, en tant que croyant, tout ce que vous vous inconnez, c'est jamais mon connu. C'est jamais mon connu. Pas bien, tout de suite, vous réagir. Ça augmente l'unité dans le monde. Si on envoie comme ça, ça c'est mon numéro. Ça c'est mon numéro. Et on va me connaître. Tu connais, tu vas connaître. Oui. Pas ça c'est mon numéro. Ça qui vient d'un moment pour moi, pas une petite chose, je vais comme une petite chose pour ignorant, concernant, pas une petite chose qui vous a répondu. Non, pas bien, mais pas un micro là. Mon propre, moi, bien, pas de vie, c'est moi-même. Ça m'est enlevé. Donc, si je me trouve, moi, personnellement, là-dedans, Les gens vous prennent moi, vous prennent vos madames, vos messieurs, vos grands enfants, vos mamans, vos papas. Les gens vous quittent ça la carte là. Les gens vous quittent ça dans ce rôle-là. Les gens vous quittent ça dans ce là. Vraiment, il y a une connaissance, madame. Connaissance avec vos causes, dis-nous avec vos causes, madame. Non, nous avec vos autres causes, ils font des causes, nous avec vos connaissances. Connaissance, c'est quoi? C'est qui ça, tu m'en as, ta banane loi, tu n'as avec qui là. Mais aussi, les autres manifestants, qui a répondu. Alors, j'ai vraiment la main de Dieu comme ça. Et si pour dire la femme de Dieu, pourquoi pas fonctionnement, je veux dire, etc. Parce que ce débat, c'est pour même. Mais vous pouvez tenir chez vous. On dit une madame, comme dit madame, vraiment, dit que ça doit être sur le jeu. Comme dit madame, vous mettez en cette table. Comme dit en cours, c'est rat namas, croyant qu'il n'y a pas l'état là, au fait, sur les infinis. C'est rat namas, hein? Namaz, il va quand on va se faire un peu de cela. Comme il n'a pas de diapole au lit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de il croyant qu'il guérit. On va dire ça avec la main, à soi, dans ma tête, on est au mieux. On va pas repartir dans nos âmes. Elle nous dit, Rosa, dans ma main, dans ma main, dans mon charme, je peux dire, et c'était ce Rosa qui a marché au point de monde, ça finit sur le pied. D'ailleurs, on va se concentrer, on va se concentrer à la classe. Mais seulement, concernant Ra et Rosa, consciemment, dans ma main, comme il sait, il n'y passe la dent. Ou bien le contraire, comme il est rosa, pas obligatoire, le lit aussi, même s'il est déjà une goutte, après des étoiles, pas une goutte, rosa, pas obligatoire, le lit. Il est dans les mêmes lits. Elle ne va pas devoir remplacer la maladie. Elle veut tout, elle veut tout, elle veut tout. Combien vous donnez pour ça? Bah, un amadon, il est passé là. 10-15 ans d'amadon, vous ne pouvez pas faire ça. Dans les possibilités, à la pose de question, tous les autres qui ont été englobés, ils disent d'abord, ah, on a déjà compris, non? À la fois, le lit. C'est vrai, mais seulement quand Allah est revenu, Allah est revenu chez le Père, quand on vit avec bonne condition, ma chose, en fait, on fait tout, c'est bon, et à un moment là, là, il faut dire ça va dans son âme. Mais il ne faut pas qu'il amène tout bonne condition. Il ne faut pas qu'Allah est pour faire des chats sans oiseau. Ensuite, Allah va revenir, nous, parce qu'il y a un oiseau. C'est pas grave. C'est non, c'est non. Il ne faut pas faire le premier tagué, moi, je suis content de la mort. Allah va revenir, je ne vois pas quand tout bon. Oui, à la fois de même, il faut chercher ça. Mais seulement quand? Dans ces mots-là. Donc, on nous résout avec la habitat, quand on trouve son rapport, on a l'impression de dire la connaissance qu'on a élevé, à ce qu'on y a pris aussi, nous, un grand envers, nous, bien loin, on est nous-mêmes. Comme une petite chose dans le digne, du bas, cher professeur, c'est qui? Mon va connu. Inch'Allah, le Sénat, nous voir un jour pour nous partir, quand on dit, lié ma chose en Dieu, mais quand on dit, il faut que le pays, avant tout, et chez vous, avec nous, de nous amener tous les jours. Au sort de l'air, voilà la vie d'un sambal, voilà la vie sur votre âme des marins, soit cela nous avec vous, soit la fin de vos voies, voilà la terre. Ainsi à nous, chers frères et sœurs, ainsi à nous, comme on le connaît, les années, vous verrez monter à plus, un à loi de l'État de la bonne école, de faire cette éducation. L'année, ça fait rendre en vigueur, on va trop connaître la classe, mais ça qui est avec nous, c'est quoi? Inch'Allah, j'en m'en dis ici, vendredi après Inch'Allah. Inch'Allah, j'en m'en dis ici, vendredi après Inch'Allah, qu'il soit pour bannir ou qu'il soit pour bannir, ou il n'a pas de personne, sociologue, sociologue, etc., pour adresser la parole, comment pour conscientiser un famille, un parent, et même dans enfants-là, dans ce sujet-là. Comment? Vous êtes capable? Pas pour accepter, mais pour rentrer, il est rentré. Donc vos enfants, pour être un bâtiment pour ça, mais est-ce qu'ils vont capables de finir pour répondre aux enfants? Sauf que ça va entrer, il faut adresser la parole là. Je vous finis qu'en avec nous, comment nous capables de faire pour nous capables d'amener nos enfants qui vont être capables de trouver le problème avec nous dans notre société. Bon, merci, Inch'Allah, après la mort des chats, qu'il soit pour Michel ou bien pour madame Zabino. Voilà, c'est C'est ça.